Je donne, mets ton wagon sur le bon rail dans ta vie des gommes. Mon paillasse à Estem pour qu'il déraille. Yangal, mets ton wagon sur le bon rail. Donne ton souffrance dans le combat, notre unité nous fera mettre les voiles. Je donne, mets ton wagon sur le bon rail dans ta vie des gommes. Mon paillasse à Estem pour qu'il déraille. Yangal, mets ton wagon sur le bon rail. Donne ton souffrance dans le combat, notre unité nous fera mettre les voiles. J'ai grandi à Paris, dans notre tableau tu es plus précis. De galérer là-bas de gauche à droite, j'en ai connu des péripéties. De bonnes et de moins bonnes, jeune homme à Paris. T'es pas du coin cousin la nuit. Tu n'as rien à faire ici. On y découvre des crêpes de toutes sortes, des ordures de désir. Mais ce qui marche, mais ces temps-ci, c'est de bicrave la Sissi. C'est grave, on s'enrichit. Quand tu te fais poucave, c'est fleurir. T'avais beau dire que c'était pas toi, t'avais pris en flagrant délire. C'est les risques de la vie. Ouais, tu le savais, mais tant pis. Mais voici l'épopée tragique d'un jeune old boy à Paris. Alors laisse ceci. Car c'est la dure loi de la vie. Tu braques, tu deals, tu kills ton prochain, ensuite mal. Tu subis. Pas d'être trop, tu l'autre trop. Call my IT. Plus on a de service, plus on est mal servi, autant de serviteurs dans la vie. Oh la haine, applique autant d'ennemis, l'ami. Tant d'ennemis. Je donne, mets ton wagon sur le bon rail dans ta vie des gommes. Mon paillasse à Estem pour qu'il déraille. Yangal, mets ton wagon sur le bon rail. Donne ton souffrance dans le combat, notre unité nous fera mettre les voiles. Je donne, mets ton wagon sur le bon rail dans ta vie des gommes. Mon paillasse à Estem pour qu'il déraille. Yangal, mets ton wagon sur le bon rail. Donne ton souffrance dans le combat, notre unité nous fera mettre les voiles. Les gens voient trop qui se dévergondent, des bluffs, leur merde, l'hiver baratin. Profond goût à la vie, tombe dans le vice de l'underground parisien. Venez me prouver qu'elle pousse de spi. Laisse-moi rire ces bouts en princelle qui s'exhibent dans Paris, s'évadent à l'abri du frangin. Leur merde dans l'ignorance le savent, mais j't'avoue que j'ai plein rein. Frangine, faut stopper les séries de côte ouest, t'en es bien loin. Prends sommeil, volé dessous, Palm Beach, revêt, t'es qu'une sale bitch à dessous. Beverly Hills, c'est pas la vie des jeunes d'où tu viens. Ton amour est une force, tu nous appartiens. Lâche donc ce move, ici, fais rien, reviens. Donne-moi la force de lutter, ensemble construisons demain. On ira faire naître ma descendance, soit d'ici. Loin des terres du malin, loin des tentations, suite d'une misère au quotidien. Petite sœur, ne baisse pas les bras, ne laisse pas les ignorants choisir pour toi. La vie est courte, même si misère se propage, mais y du cœur. Donne-moi la force de lutter, qu'on parte ensemble voir les jours meilleurs. Je donne, mets ton wagon sur le bon rail dans ta vie des gommes. Mon paillasse à Estem pour qu'il déraille. Yangal, mets ton wagon sur le bon rail. Donne ton souffrance, j'aime le combat, notre unité nous fera mettre les voiles. Je donne, mets ton wagon. Par le manque d'oseille, dit la mort dans les cités HLM. D'autres veulent stopper le deal, vivre légal, mais la misère les y engraine. Se manque les ronges comme la gangrène, dans les foyers la panique se sème. Sur un peuple trop fragile, la foudre se déchaîne. Soldats missionnaires sur Paris livrent la bonne bataille. Son caille monte la garde pour pas finir dans le milieu carcéral. Au jugement, le jugement gros tout comme je grugement. Sincèrement, franchement quand il s'agit de frangement. Mes frangins des cousins francs, j'en ai pas trouvé des masses dans la masse. J'te comprends, on lutte tous pour le même but, amasser l'alias. Les dragons rendent réaliste le degré du problème. Plus les jours passent et rien ne se passe sans que Zary se répète la même scène. On a beau faille à bonne ce système et tous les jours idem. Tout me laisse à dire le pire que cette vie misérable j'aime. Dragon réalise le degré du problème. Sommes-nous différents du reste parce que la dalle nous a fait crever. On a beau faille à bonne ce système et tous les jours idem. Tout me laisse à dire le pire que cette vie misérable j'aime. Je donne, mets ton wagon sur le bon rail dans ta vie des gommes. Mon paillasse à Estem pour qu'il déraille. Yangal, mets ton wagon. Mets ton wagon sur le bon rail dans ta vie des gommes. Mon paillasse à Estem pour qu'il déraille. Yangal, mets ton wagon sur le bon rail. Donne ton souffrance dans le combat, notre unité nous.